Pour du plaisir garanti, c'est au club de golf de Chibougamau qu'il faut aller. Que ce soit pour une partie à la journée ou pour devenir membre, le club de golf de Chibougamau est l'un des plus beaux clubs dans la région, avec la qualité des verres qui fait l'envie de plusieurs clubs. De plus, nous offrons la salle pour vos différentes réceptions. Appelez sans tarder au 418-748-4709. Le club de golf de Chibougamau est très heureux de participer à la chronique du directeur général Michel Lallemand et souhaite une bonne année aux différents golfeurs du circuit. On va parler de golf avec notre ami Michel Lallemand. Salut Michel. Bonjour Danny. Michel, on va parler. C'est toi qui as des gestes Chibougamau dernièrement? C'est-tu vrai que... Il y a neigé à Chibougamau, dernièrement. Tu as neigé? Ouais. Non. Non, c'est pas vrai. Non, pas de neige, non. Bon, ben non, pas encore. C'est vrai qu'on a des outardes, par exemple, sur le terrain. OK. Ça fait plus qu'une semaine. OK. Et c'est vrai que c'est pas bon. C'est vrai que c'est pas bon signe non plus. Ben, écoute, on a dit qu'on n'aurait pas une journée en bas de 20. En haut de 20, on n'aurait plus de journée en haut de 20 d'ici la fin de l'année. Fait que ça regarde à ça, là. Bon, on va parler de golf. On va parler de golf. Dans le court terme, là. Ouais. Dans le court terme, justement, pour le golf, ce qu'ils nous annoncent, là, c'est à peu près ça, là. 15-16 pour les 10-12 prochaines journées à venir. Ah, bon, ben c'est bien ça. Michel, on va parler des activités de fin de saison. Qu'est-ce qui s'en vient à Chibougamau? Il nous reste encore 3 petites fins de semaine avec des petites activités. Donc, dimanche, on a un Calcutta pour les membres. Donc, une compétition en équipe de 4 meilleures balles, 18 trous. Okay. On devrait avoir possiblement une quarantaine de joueurs. L'autre fin de semaine, samedi le 14, c'est le tournoi du président. C'est un tournoi par classe en équipe de 2. Généralement, c'est le plus gros événement là, de la fin de la saison. Okay. On devrait avoir 60 à 70 joueurs. Puis pour plusieurs, c'est vraiment la fin de la saison. Et dans la dernière fin de semaine, samedi le 22, on va avoir un Calcutta, une mafia, formule mafia, pour ceux qui sont intéressés. Puis ça va fermer nos activités le dimanche 22. Okay. Notre terrain va rester ouvert tant et aussi longtemps que la neige ne nous attrapera pas. Ouais. En espérant que ce sera plus tard que l'automne dernier. Mais on va prendre des mesures pour s'assurer cette année qu'on va être prêt à faire une bonne fermeture pour déjà penser au printemps prochain d'avoir de belles conditions de jeu. Dans l'ensemble, c'était une bonne année pareil. C'est une bonne année. Ouais. Chez nous, là, on vit beaucoup avec nos membres, contrairement au club du Saguenay-Lac-Saint-Jean, où ils ont vraiment besoin d'avoir un fort achalandage pour avoir une belle rentabilité. Ouais. Chez nous, ce sont nos membres. Okay. Ce sont nos membres. Cette année encore, 185 membres, 150 adultes. Déjà là, c'est un signe qu'on aurait une bonne saison. On a eu des bonnes participations à nos diverses activités, principalement encore notre Super Calcutta, avec 90 de nos joueurs. Donc, tout près de 70% de nos membres qui jouent cette semaine-là au complet. Au niveau des conditions de jeu, on a eu un départ difficile avec le fait qu'on n'avait pas mis nos produits d'automne dernier. Mais avec un excellent travail de notre surintendant, depuis la mi-juillet, on a des conditions de jeu idéales qui se comparent avantageusement à tous les clubs du Saguenay-Lac-Saint-Jean et même plus. Bon. Donc, encore une fois, une bonne saison. Beaucoup d'activités autres que celles organisées. Le tournoi Centraide, qui est un grand succès. 2-3 belles locations avec les communautés autochtones avoisinantes. Donc, dans l'ensemble, quand on va fermer les livres pour le golf, le 22, on dira encore une fois mission accomplie pour cette saison. OK. Fait que, Michel, on va faire le tour. Ça fait le tour pour cette semaine? Oui, on fait le tour cette semaine, merci. OK, donc Michel Lallemand, notre collaborateur du club de golf de Chibougamau.